Nous sommes le samedi 6 janvier 2018. Eh oui, déjà le samedi 6 janvier 2018. Qu'est-ce que ça passe vite, mes aïeux. C'est l'heure de votre édition spéciale. Rien qu'à vous, chers tipeurs. Allez, c'est parti! Bienvenue, chers tipeurs, à votre édition du samedi. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, car vous le savez, c'est une émission rien qu'entre nous. Elle est pour vous remercier de votre aide, de votre contribution à la revue de presse JV. Et surtout, depuis maintenant quelques semaines, il y a la rubrique Revue de presse rétro, hein, qui vous est totalement dédiée. Et on parlera tout à l'heure des Game Awards 2007 pour Edge. Donc autrement dit les Edge Awards, hein, c'est un peu plus simple, que j'ai retrouvé donc dans mes archives, ainsi qu'une interview de David Jaffe, le papa de God of War, au moment de la sortie du tout premier jeu de la série. Écoutez, c'est un programme assez fourni, assez copieux, mais digeste, j'y tiens. Et il est donc préférable pour tout le monde d'attaquer maintenant, je crois. Allez, c'est parti! Rétro gaming, 49% des joueurs européens aiment revisiter les grands classiques, c'est jeuxvideo.com qui nous le dit. On nous dit donc notamment que si le rétro gaming est loin d'être une passion totalement nouvelle, celle-ci a pris une autre dimension avec le nombre croissant de remakes à la sortie récente des NES et Super NES Mini. Des produits qui connaissent de très bonnes ventes, ce qui semble avoir donné une bonne idée de sondage à l'Institut Ipsos. Et donc dans une récente analyse publiée par le spécialiste français des études de marché, puisque là, jeuxvideo.com a marqué dans une récente analyste. Ils sont un peu gourés, donc bon, ils ont peut-être rectifié depuis. Nous découvrons donc, nous dit jeuxvideo.com, que 49% des joueurs européens interrogés disent aimer et relancer les grands classiques du jeu vidéo, j'espère qu'on n'est pas les seuls. Autre donnée intéressante, nous dit l'article, qui motive de nombreux éditeurs à proposer des remasters de leurs chefs-d'œuvre, 41% de l'audience s'estime désireuse de découvrir des titres qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'essayer à leur sortie. Et donc toujours d'après le sondage, seulement 22% de joueurs estiment que les productions du passé sont supérieures à celles d'aujourd'hui, tandis que 45% d'entre eux pensent que les graphismes réalistes sont une part importante d'un grand jeu, une part importante, je pense, aux éditions que de fautes dans cette danse. Jeuxvideo.com, là, il faut se réveiller, là. Je tenais à vous parler de ça, et j'aimerais avoir vos réactions, hein, sur les réseaux sociaux. C'est que, comme je l'avais... Alors, pour ceux qui, peut-être, hein, qui avaient vu la soirée rétro qui avait eu lieu sur No Life, où il y a déjà pas mal d'années, j'avais dit ce soir-là, et je le pensais sincèrement, et je le pense encore plus aujourd'hui, que déjà, moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'on parle de jeux vidéo, voilà. Pas de rétro, de nouveautés, de jeux vidéo tout court. Moi, je pense que le terme classique, déjà, me paraît beaucoup plus approprié, pardon. Mais c'est comme quelqu'un qui aime le cinéma. On se pose pas la question s'il ne regarde que les films qui sont sortis ces 5 dernières années, ou s'il regarde aussi, en même temps, des vieux classiques des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, bref. Pour moi, quand on aime le jeu vidéo, on aime son histoire, et les très grands jeux, les très très grands jeux, en tout cas pour la plupart, ne vieillissent pas, ou alors si peu. Voilà, il y a des jeux qu'on a aimés étant enfant, adolescent, qui se sont pris vraiment, voilà, une belle claquade, hein, que les affres du temps ont vraiment abîmé. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas bougé d'un iota en termes de gameplay, de plaisir. Et d'ailleurs, la Super Nintendo Mini, je pense, l'a rappelé à certaines personnes, voilà, si tant est qu'il y avait besoin de le rappeler. Et donc, moi, je ne fais pas distinction. Hein. Pour moi, c'est du jeu vidéo. Pour moi, il n'y a pas de classification à faire. C'est du jeu vidéo. Quand il est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes client de ces machines qui ressortent de ces rééditions? Puisque là, on parle aussi de tout un business qui a toujours existé, mais là, qui a pris effectivement une forme encore un petit peu différente avec la NES Mini et la Super Nintendo Mini. Donc, est-ce que ce genre de démarche vous plaît? Moi, je vous dis tout de suite, c'est oui, hein, parce que je suis amoureux de ma Super NES Mini. Donc, j'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Disgaea 5 Complete dépasse les 200 000 ventes. C'est Jarod qui nous dit ça sur GameCult. Hein, encore un succès au crédit de la Switch, puisqu'on nous dit qu'après avoir dépassé le cap des 100 000 ventes donc l'été dernier, le portage donc Switch de Disgaea 5, alors le tactical RPG de Nippon Inchi, est-il besoin de le représenter? Si ne vous connaissez pas cette série, ce dont vraiment je doute fortement, c'est un des plus beaux représentants, dirons-nous, du genre tactical RPG. Et donc, ce portage Switch de Disgaea 5 revendique désormais plus de 200 000 exemplaires vendus, a révélé Sohei Nikawa, le président donc de Nippon Inchi Software. Une performance, hein, nous dit Jarod, que Nikawa attribue avant tout au public occidental, et pour cause, Disgaea 5 Complete n'a guère écoulé plus de 6 000 exemplaires au Japon lors de sa sortie. C'est complètement dingue. Non mais là, je surjoue pas en plus, hein, je trouve ça assez hallucinant. Sachant que le RPG tactique totalisait déjà 172 000 exemplaires vendus sur PS4 début 2016. Les plateformes qui auront droit au prochain épisode de la franchise phare de Nippon Inchi ne font pas vraiment de doute. Sohei Nikawa le dit d'ailleurs clairement dans l'article du site japonais Inside Games, le duo PS4 Switch représente la priorité du groupe pour les prochains mois, aussi bien concernant les suites que les nouvelles licences. Et je pense qu'au Japon, il n'est pas le seul. La news conclut en nous stipulant que, comme annoncé plus tôt dans la journée, Nice America, donc qui est la branche américaine de Nippon Inchi, dévoilera une bonne partie de ses plans pour l'année 2018 dans une conférence prévue le 9 février prochain. De son côté, la division japonaise fêtera ses 25 ans le 12 juillet de cette même année. Et ben bravo Nippon Inchi, ça fait plaisir parce qu'ils ont toujours fait des jeux absolument excellents. Et avant de passer à la revue de presse rétro, j'aimerais vous parler de The Wolf Among Us, hein, dont la saison 2, nous dit Gameblog, pourrait être annulée par Telltale. Toujours calqué sur le principe qui avait fait exploser Telltale avec les jeux Walking Dead, The Wolf Among Us, dont la première saison avait été vraiment accueillie de manière assez dithyrambique, la saison 2, c'est pas sûr, puisque la première saison s'était terminée en juillet 2014. Je rappelle que c'est tiré d'un comics signé Billy Willingham, et Gameblog nous précise que cette rumeur fait écho à la récente vague de licenciements, et oui, souvenez-vous, qui a frappé le studio Telltale très très récemment. C'est au cours du dernier podcast de Gamescoop, nous dit Thomas Pillon d'ailleurs sur Gameblog, que l'information a été révélée pour les journalistes d'IGN, sans toutefois avoir obtenu de confirmation officielle de la part du développeur. Et la sentence est malheureusement sans appel, nous dit l'article, puisque selon IGN, la saison 2 de The Wolf Among Us, pourtant annoncée en juillet dernier, aurait purement et simplement été annulée. Si l'information est confirmée par Telltale, elle laisserait bien évidemment les fans en pleurs, et nous en ferons partie, puisque la première saison avait su en son temps nous charmer, grâce à son ambiance unique. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, je sais que j'avais fait le début de The Walking Dead et ça m'avait plu, mais ouais, sans plus, dirons-nous. Donc j'avais pas trop poursuivi. Je sais que cette méthode telle a plu à beaucoup de monde. Sans y avoir joué, j'ai quand même pu observer qu'elle avait commencé un peu à gonfler tout le monde, parce qu'ils ont vraiment tiré sur la corde, et puis en signant des licences à tour de bras. Je pense qu'au niveau de la gestion, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire prochainement. Mais est-ce que vous aviez fait la première saison de Wolf Among Us? Et est-ce que vous attendiez cette deuxième? Et auquel cas, est-ce que là vous êtes en état de dépression absolument catastrophique? N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, car commencer à en parler, c'est déjà un pas vers la guérison, voyez-vous. Et il est temps maintenant de passer à la rubrique Revue de presse rétro. Il me tardait de vous parler d'un dossier sur lequel je suis retombé donc en farfouillant pour cette rubrique Revue de presse rétro. C'est le numéro de Edge de janvier 2008, et donc qui revient sur l'année 2007, j'allais dire 2017, lapsus, avec ses Game Awards 2007, et donc Edge, le célèbre magazine anglais qu'on ne présente plus, fait le bilan déjà de 2017 et distribue ses awards. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ouverture de ces awards, le magazine nous dit « Remarquable, cette année 2007, riche de promesses, de réputations mises à mal ou réaffirmées, des jeux éblouissants sans nécessairement reposer sur les bienfaits de la HD, ce fut une année durant laquelle Nintendo a renoué avec le succès absolu. » Donc ça, c'est assez rigolo quand on pense que 10 ans après, c'est-à-dire maintenant, Nintendo explose tout. Et donc, ces awards, alors... je vais peut-être pas tous vous les dire, parce qu'ils en ont distribué tellement, mais en tout cas ceux qui me paraissent les plus intéressants. Et donc figurez-vous que le meilleur jeu de l'année 2007 pour Edge, et ben c'était Super Mario Galaxy. Donc c'est assez marrant quand on voit le triomphe là de Super Mario Odyssey cette année. C'est assez incroyable de faire le parallèle. Et Super Mario Galaxy, qui est un jeu absolument fantastique et donc qui méritait largement ce prix-là. Le jeu le plus innovant, c'est Halo 3. C'est assez étonnant. Pourquoi Halo 3 ? Ils nous disent Halo 3 est la preuve indiscutable que Bungie est proche de ses joueurs. Le studio sait ce qu'ils apprécient, pourquoi ils jouent et de quelle façon. Cela se ressent. Un mode coop à 4 joueurs en ligne, un éditeur de niveau, des captures d'écran et le meilleur système de matchmaking du monde. Vous me direz peut-être si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'Halo 3 avait été aussi bien accueilli par chez nous. Bref. Le meilleur design, c'est BioShock qui le récolte. Les meilleurs sons, bah, c'est Super Mario Galaxy. À nouveau, alors le meilleur hardware, alors ça c'est rigolo parce que en numéro 1 on a Rock Band, ça c'est quand même marrant, en numéro 2 on a la DS et en numéro 3 on a la Wii. Quand on connaît le succès qu'ont eu ces deux consoles, hein, là on peut dire que Edge ne s'était pas vraiment trompé. Meilleur développeur, eh ben c'est Valve. Alors pourquoi Valve ? Edge nous dit c'est probablement en partie dû à l'indépendance offerte par Steam, que les pratiques peu orthodoxes de Valve ont prospéré. Mais son succès repose également sur une équipe aussi atypique que les idées qui en émergent. Plus de la moitié des employés viennent de la scène des mods, ce qui explique en partie ce dénouement passionné, presque effacé, pour les fans. Une politique héritée de leur patron, le très franc Gabe Newell, qui continue de lire chaque mail de consommateurs adressé à son entreprise. Blabla, bon, on sait que maintenant, l'aura de Gabe Newell est un petit peu écornée pour diverses raisons, mais c'est toujours intéressant de lire ceci. Meilleur éditeur, eh ben, Nintendo, voilà, tout simplement. Et donc là, pareil, c'est assez intéressant de faire le parallèle avec... avec aujourd'hui. Donc Edge nous dit « Un caméléon, Nintendo était à peine perceptible dans ses publicités, préférant s'effacer derrière des célébrités sans logo Touch Generation. » Donc ça, c'était les pubs pour la DS, hein, je précise. « La société Nippon s'est pourtant largement étalée en publiant des suites à ses franchises historiques, Mario, Zelda et Metroid. Le succès gigantesque de sa stratégie visant à susciter l'intérêt du grand public aidant, la position de Nintendo indique un impressionnant degré de confiance en soi, ce qui démontre sa politique consistant à vanter certains produits en vente depuis plusieurs mois. On peut toujours apercevoir des publicités pour Nintendogs à la télévision ou pour Hotel Dusk sur certains panneaux, et malgré ses doubles personnalités, la compagnie s'est créée une identité singulière, mettant en évidence l'apparence et le toucher de ses machines, la simplicité et l'aspect convivial. La façon avec laquelle Nintendo a transformé le marché du jeu vidéo cette année fait beaucoup d'envieux. » Et oui, donc là, on est en pleine période Wii DS. Hein. Je vais peut-être finir quand même en vous disant le petit texte sur Mario Galaxy, parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas dit, donc qui a hérité du prix du meilleur jeu, donc pour Edge en 2007. On nous dit « La découverte de ses mouvements sur le chemin qui mène au château de la princesse Peach, les lapins joueurs à son arrivée sur la première planète, la surprise de le voir se propulser d'un champ gravitationnel à un autre dans le premier niveau, les enchaînements de séquences de jeux courtes mais intenses, le monde des abeilles qui rappelle les espaces ouverts à la Mario 64. Dès ses premiers pas, Mario révèle sa force. C'est dans ces moments formateurs que Galaxy confirme qu'il propose tout ce que l'on attendait de lui. L'attrait de la nouveauté et la tiédeur réconfortante de la tradition, sans jamais paraître ancien, en modifiant constamment la nature, de la voix arpentée par le plombier, au sens propre comme au figuré, ce Mario étonne et amuse à chaque instant, disposant avec brio des challenges inédits comme familiers dans ce tout nouvel univers. Tout en restant attaché aux racines de la licence, Galaxy parvient à s'ancrer dans le futur. Eh ben, vous savez quoi ? Cette belle petite réflexion de Edge s'accorderait tout à fait, mais alors tout à fait, à Super Mario Odyssey. Bon, maintenant on va parler un petit peu d'un certain David Jaffe. Alors que le prochain God of War commence à se livrer de plus en plus, d'ailleurs on en a parlé dans l'émission, il me semble vendredi ou jeudi, et que le magazine Game Informer apparemment a pécho de bien belles infos qui vont nous distiller un petit peu comme ça au compte-gouttes, j'ai voulu revenir sur David Jaffe, donc le responsable du design et le réalisateur, autrement dit le papa de God of War, qui, lors du premier numéro, lors du premier épisode de God of War, avait donné une interview dans un Playmag datant de juin 2005. Donc là, on repart encore un petit peu plus loin. Playmag fait notamment cette réflexion à David Jaffe en lui disant « On sent que God of War est un jeu fait par des passionnés. » Et le beau David répond « Pour ma part, je considère qu'il est honnête de dire que tous les jeux auxquels j'ai participé, qu'ils soient bons ou mauvais, ont une âme. Ils sont tous nés d'une passion. Cela ne me concerne pas uniquement, mais vaut également pour toutes les personnes avec qui j'ai bossé jusqu'ici. Une partie de mon boulot consiste justement à veiller à ce que cette passion soit toujours présente. C'est pourquoi j'ai toujours aimé les jeux de Lorne Lining, hein, le papa de The Oddworld. C'est comme pour Ico, donc Ico de Fumito Ueda. On peut vraiment sentir toute la passion des créateurs en y jouant. Très peu de personnes sont capables de mettre toute leur âme, toute leur passion dans un jeu vidéo. À l'heure actuelle, la plupart des créateurs de soft ressemblent plus à des ouvriers qu'à des artisans. Je pense qu'il n'y a que 5 ou 6 personnes capables de véritablement s'investir corps et âme dans la création d'un jeu vidéo, et j'espère en faire partie. Donc il a une vision quand même assez noire, hein, de l'époque. Alors, Playmag lui demande également, les jeux ressemblent de plus en plus à de super productions hollywoodiennes. Pourtant, on arrive parfois à découvrir de petits jeux qui vous accrochent pour longtemps, comme c'est le cas pour Lumines. Il devient de plus en plus rare de dégoter des softs totalement nouveaux présentant une certaine vision des choses. Donc là, on était avant le raz-de-marée indé, parce que je rappelle quand même que God of War, le premier, c'était sur PlayStation 2. Donc David Jaffe répond, je me demande à quoi cela tient. Peut-être à la façon de raconter l'histoire. Une histoire bien narrée vous fait forcément ressentir des émotions. Si l'on regarde l'évolution des jeux vidéo, ce n'est que depuis peu que l'on tente de raconter quelque chose par le biais de ce média et de faire ressentir des émotions aux joueurs. Je suis convaincu que c'est l'avenir du jeu vidéo, mais il faut être réaliste, car rien ne nous permet de dire que c'est vraiment le chemin que va prendre l'industrie dans l'avenir. Nous souhaitons une progression dans ce sens, mais jusqu'à quel point sommes-nous prêts à nous engager ? Cela restera peut-être lettre morte. Et donc, Playmag lui pose aussi la question, qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être un créateur de jeu ? Que veut dire God of War pour vous ? Alors là, apparemment, David Jaffe fait une longue pause. Avant de répondre, je voudrais vous donner une bonne réponse, mais ce n'est pas une question facile. Je me rappelle que quand j'étais enfant, avec mon père, j'allais acheter des cartouches d'Atari 2600. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'argent, et c'était vraiment toute une aventure que d'aller acheter un jeu. Après, nous allions au restaurant, et avec mon frère, nous dévorions les manuels de jeu en attendant le repas, impatients de pouvoir y jouer en revenant à la maison. C'est pour cela que nous faisons très attention à la qualité de nos manuels de soft, car il y aura toujours des personnes qui s'en soucient. Et, oui, et ça, c'est une autre époque, puisque les manuels dans les boîtes de jeu maintenant, bref. Ainsi, lorsque je développe un jeu vidéo, je tiens toujours compte du fait qu'il y a des joueurs, et certainement pas des enfants dans ce cas précis, car nous n'avons jamais eu l'intention de créer des jeux pour enfants. Des joueurs, bref, qui auront toujours un attachement spécial pour ce type de divertissement. Donc, mon équipe et moi avons une grande responsabilité. Il nous faut les divertir. Ils nous font don d'un peu de temps de leur vie, et c'est pourquoi nous ne devons pas les décevoir, pardon. C'est leur moyen de s'évader du quotidien, et je pense que c'est important. Voilà, je voulais vous parler un petit peu voilà, de ces déclarations de David Jaffe. Donc voilà, bah, c'était la troisième ou la quatrième, je ne sais plus, j'ai un doute, la quatrième je pense, revue de presse rétro. J'espère qu'elle vous a plu, et là on s'achemine, vous vous doutez bien, bah, vers la fin de l'émission. Et voilà, c'est terminé notre petit moment, rien qu'à nous. Ce moment d'intimité hebdomadaire se termine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à réagir, à partager l'émission un maximum. Je compte sur vous. Je sais que vous le faites régulièrement, donc vraiment, je ne sais même pas pourquoi je le répète. C'est devenu un tic de langage, voyez-vous, quasiment. Mais en tout cas, merci pour votre contribution encore au podcast. Merci à tous. Et je vous dis donc à lundi pour reprendre une bonne semaine de revue de presse JV et à samedi prochain pour notre rendez-vous. Rien qu'à nous, mes amis, mes petits choux. Allez, je deviens trop bisounours, il est temps de couper et je vous souhaite donc un excellent week-end. Allez, bye bye.